Exercice 1, page 43. A. Lisez-les. Lisez-le. B. Ses cahiers. Ce cahier. C. Le camarade. La camarade. D. Il le répète. Il le répète. E. Elle le prononce. Elle la prononce. F. Il les comprend. Il le comprend.